maintenant un peu noir. Et une ampoule de temps en verre. Un vrai champagne et caviar. Et un tour, c'est même moi. C'est gentleman dans son frac. Dis cette bouquet si je claque. Je veux que soit dans un lac. Un lac. Et de cognac, écoute-moi bien. J'avais 30 ans, écoute-moi bien. J'étais tantôt, je n'avais pas encore de temps. Et pense, retiens-moi ma poche, regarde-moi bien. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien. Tu me trouves l'errance. Une fois s'il fallait, voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans. À Cana Charleston, ce gentleman un peu noir a dû le casser dans le bar. Puis il a sorti ses dollars et dit troublier les pauvres. Ce gentleman dans son frac a dit pianiste les secs. Joue les vieux ailes dans un trac. En vrac. Alors ça va, oui, écoute la musique. Bien. Allez, vas-y, petit. Ah, oui, c'est ça. Avec mes mémoires maintenant. Alors, barman, écoute-moi bien. Alors, écoute-moi pas. Donne-moi un peu de cognac. Ah, oui, c'est ça. Ça va, ça va. Il y a beaucoup de mémoires dans un bouteille comme ceci, tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de pas des atmosphères ici maintenant. Écoute-moi bien. J'avais 30 ans. Écoute-moi bien. Tout me trouve l'errance. Une fois s'il fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans. À Cano Charleston. Voyez donc, tu m'as défoncé le pimpin. Pimpin, pimpin. C'est bon signe, c'est bon signe. Les bouchons d'aujourd'hui seront les bouteilles de demain. Ça, c'est un proverbe rénaldien. Ah, c'est bien d'incliner le micro comme ça. Le public ne sait même pas. Distrait-les pas. Distrait-les pas. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Très bien. Public, vous, ça va? OK. D'accord. OK. C'est... Mm-hmm. Alors, exprimez-vous. Ouais. Non, mais on aime bien... OK. Non, mais quand on demande au public de s'exprimer, ça s'arrête pas. OK, allez-y. Ouais. Oui. Ah oui, cette semaine... Ben, voyons. Bon. Je suis tout à fait avec vous. Merci de nous écouter. Merci d'être... Arrêtez-vous. Non, mais la petite... La dame... Oui, OK. Vous êtes merveilleuse. Voilà. Les bouches... OK. On revient après. Arrêtez. C'est juste une façon de parler. Là. Parle, arrête. Voilà. Parle plus bas. Car on pourrait bien nous entendre. Mais les esprits de nous entendre. L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Où es-tu? Où es-tu? Madame, vous êtes... allô? Ouais. Ah ouais? Vous êtes là maintenant, vous? Ouais. OK, on vous avait demandé de venir avant, hein? Hein, avant? Ouais. Mais pourquoi vous êtes pas là? Vous avez oublié? Ouais. OK, vous... Vous avez l'air interrogative. Oui. OK. Disjonctive. Oui. Prospective. Oui. Oui. Yves. Yves, vous êtes Yves. Oui. Bon, amenez-moi le Yves. Prendre un enfant par l'ivresse. Voyons donc, arrête-moi ça, toi. Alors, les bouchons... Ben oui, parce que c'est pour... C'est, OK, attends. Hey, le jeune. Je vais parler aux jeunes. Les vieux, accroupissez-vous. En fait... expulser vos marchettes, vous allez tomber par terre. Mais très doucement avec vos paumes, là. Paume vers de... Oui, vers l'avant. Le ballon vers derrière. Faites en même temps. Hé, monsieur, le micro a pété. Non, c'est pas le micro qui a pété, c'est Mme Thibodeau. À manger de la soupe aux pois. Sors la... Non, mais sors la mop. On va... Après la chanson, on va... Non, on va essayer... Pleurez pas, madame. Pleure... Ça va bien. Ça va très bien. Ben non, tout le monde est heureux. Bon, on continue de même. OK. Alors, les bouchons d'aujourd'hui seront les bouteilles de demain. Assez profond. Ouais, ouais, moi, 3 degrés en haut de la camomille. La camomille, ça, c'est... Je sais pas si tu connais l'histoire de la bouteille, là. Mais... La... Non, moi, c'est la bouteille de vin de Bordeaux. Non, c'est pas à côte du Rhône, c'est le Bordeaux. Moi, c'est celle avec le sourire, pas celle qui se prend. Mais, attention, moi, je suis pas n'importe qui, moi, je suis de Bordeaux. Non, c'est l'autre, c'est à côte d'Azur. La bouteille de la côte d'Azur. Il y en a même pas de la côte d'Azur, c'est vrai, t'as raison. Alors, bon, non, c'est côte du Rhône, côte du Rhône, là. Eh, mon Dieu, c'est comme les gens de céleri. Bonjour, madame, vous êtes de céleri? T'es oui! Moi, quand je mets du céleri dans ma soupe, oui! C'est très, très bon. Mais merci, ça vient de chez nous. Ah oui, le céleri vient de céleri. Ben voyons donc, tu pensais que ça venait d'où, de chou-fleur? Non. Ah non, moi, je pense. Écoutez, je suis pas là pour penser, moi, là. Vous me le dites, je vous crois, là. Vous me dites où faire le X, je vais le faire, là. Si vous me payez, c'est encore plus véridique, là. Payez-moi, moi, vous faire choisir votre... Non, vous allez me faire choisir mon premier ministre. Et surtout ma première ministre. Qui? Ma première ministre. Ben là, écoutez, il y a juste des hommes puis une femme. Ben c'est ça. Tu viens de te mouiller. Ah, oh, mon, c'est vrai? Oh, alors je demanderai à ma bras droite de changer ma couche. OK. C'est une couche de près, là. Moi, je te conseille fortement, là, sur un plancher bottant. C'est une couche de près, là. Une couche de court-circuit. Parce que quand tu marches, là, je veux que ton cheveu devienne plus fou. Diane Dufresne, quand elle a fait son forum, là, c'était sur du plancher comme ça. C'est pour ça que ses cheveux, là, les gens ont dit, hey, elle s'est peroxydée, ça. Ben oui, c'est pas du peroxyde, c'est pas de l'échantillonnage capillaire. C'est tout simplement le plancher. Synthétique. Et puis, c'est synthétique. Bon. Alors, donc, le liège s'enfonce au-dessus des pétillants festifs. C'est de qui, ça? C'est de qui, ça? C'est de qui, cette citation-là? On a perdu l'auteur. Mais pour ce qui est du bouchon, là, c'est Reynald. Quand il pousse le bouchon, c'est ce qui arrive. Ah, mon! On peut jeter? On jette. Attention! Mettez de l'écho. Peux-tu baisser un peu les... tu passes au public, le public? On va l'entendre, OK. Merci. Ah oui, ça m'a hauteur. C'est très bas. Mission descend un peu, là. Elle est toujours descendue. Attention. Je demanderai au groupe Super Tramp de se faire sécher. Je répète. Je demanderai au groupe Super Tramp de se faire sécher. Attention. Je demanderai aux humoristes professionnels de nous faire rire une fois seulement. Une fois. Attention, je demanderai aux provocateurs de continuer de provoquer, pardonnez-moi. Alors attention, je demanderai aux provocateurs de continuer de provoquer. Attention, je demanderai aux carottes de cuire, aux jambons de sortir du Québec et aux purlins de tricoter moins serré. Je répète, aux carottes de cuire, au jambon de sortir du Québec et au purlin de tricoter moins serré. Attention, je demanderai aux demandeurs de sortir des asiles, à Zozo de sortir son ustensile et à Zézette de se sentir jusqu'à la prochaine braguette. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? On va leur dire celle-là. Ça, c'est de plus en plus absurde, hein? De plus en plus absurde, de plus en plus réfléchi. Moi? Madame, avez-vous compris? Attends, avant de dire moins, là, écoutez ma phrase. Avez-vous compris les textes? Moi? Vous trouvez ça, trouvez-vous ça humoristique? Moi? Bon, OK. On a au moins un public. Attention, je demanderai au demandeur de sortir des asiles, à Zozo de sortir son ustensile et à Zezette de se rendre jusqu'à la prochaine braguette. J'ai eu la chance à un moment donné d'avoir une illumination. Moi, c'est pas juste Jeanne d'Arc là, qu'il y en a. Là. Puis même si je me fais cuire au four à 350 avec un oignon dans la bouche, j'ai absolument rien contre. Commencer par la fesse, c'est plus tendre. Et j'ai... Bon, c'est de l'humour. Qu'est-ce que je ferais là? Non, je brosse pas ma sauce à spaghetti. Je cherche un mot ou une phrase dans mon sac magique. Tout est magique chez toi. Oui, sauf moi. Alors, c'est graisseuse. Le mot, c'est graisseuse. Alors, on y va avec la graisseuse. Ça, c'est une histoire de patates. De belles patates. Cueillies chez nous, dans des allées de patates. Là, ce qu'on sait pas, ou très peu, c'est qu'il n'y a pas juste des allées de patates au Québec. Il y a des allées de graisseuses, de la belle grosse graisseuse, la frite qu'on va cueillir déjà dans la friteuse, qu'on va mettre dans le panier avec un sac brun pour enlever le surplus de graisse. Là. Puis déjà là, est encore chaude. Mais voyons donc, ben oui, les racines bouillent parce qu'elles sont directement branchées sur le noyau. Je vais vous expliquer brièvement. On n'a pas de midi à 14 heures. Non, on a de minuit jusqu'à 2 heures. 2 heures, 2 heures. On a le temps. Non, il suffit de mettre un senseur. L'ascenseur, oui, l'ascenseur qui va descendre, la fourche qui contribuera à sentir la chaleur du noyau. Du noyau de la calotte qui nous recouvre, donc de la terre. Alors, on creuse légèrement, là, peut-être dans 2 semaines et demie, avec une petite... on commence avec le débouche-bouteille. Hein? On débouche lentement, tranquillement, là. Ouais, mais après 2 minutes, encore là, si on débouche lentement, on a déjà terminé. Oh, non. Après ça, on va avec une plus grosse perche. Une perche toujours avec la queue en tire-bouchon. Ah, mon Dieu, comme Gaétan. Gaétan a la queue en tire-bouchon. Non, mais son mari, lui, a inventé la fourche. Ah, mon Dieu, la fourche qui défourche. Ah, on aime ça, nous autres. Alors, on aime ça. On est en train de culmater. De calmater. Calmater? Dalmater. Almater. Falma. Oui? Bon. On continue. OK. On peut pas lâcher. Non, c'est ben oui, c'est un continuum. Continuum vertum, badum, badum, badum. Ça, c'est. Non, c'est pas de l'allemand, ça. Non, c'est pas de l'arabe. Ouais, c'est du français, mais légendaire, là. Du latin. L'attends pas trop longtemps, on va continuer. Oui. Alors là, tu rentres dans la terre, et là, tu te sens. Rapidement, tu sens que tu viens de toucher le noyau, parce que ça brûle, là, ça chauffe les mains. Là, la patate là-dedans, tu la fais pénétrer dans la fourche. Tu l'enterres, OK? Fait que là, tu fais ça avec, disons, 18 000 patates. Tu t'appelles tes tantes, tes oncles, tes grands-mères, tes arrière-grands-mères, puis tu leur dis, plantez-moi votre patate. On fait jouer la chanson de Newman, lâche pas la patate, là, pour les encourager. On dit, hey, après ça, il va y avoir un verre d'eau, pas de glace pour vous, là, madame. Puis vous pourrez rincer votre dentier. Après ça, boire votre dentier. Pas l'eau, parce que c'est de l'eau du Saint-Esprit. Venu pour nous aider à creuser. Alors là, on continue, OK? Comment, Saint-Esprit? Oui, bien. Oui, bien, quand l'Esprit vient à l'homme, ça donne ça. Quand ça vient à la femme, ben là, c'est plus profond, c'est plus creusé, c'est plus intellectuel. Mais nous, on est à la surface. Pardon, arrêtez. Surface chronique, oui. Je le dis souvent, ça, parce que c'est un restant d'université. Parce que moi, je suis allé à l'université pour faire le ménage et laver le plancher, moi, du coningue. Et de coningue, de moningue. La garlingue. Là, il dit, eh ouais, la garlingue, sors de là. Là. Parce que je chantais, moi, à la garlingue, elle est garlingue, avec la mop, là. Je dansais avec elle. Oh, mon Dieu. Elle m'épousait. Puis là, je lui veux-tu me marier? Puis je lui ai donné l'anneau. Puis elle m'a donné la... La chance de, oui, de faire 15,98 $. Ah, je l'ai, hein? Ça sent le plancher qui se lave. Ah oui. Tout le monde ensemble, là, vous êtes dans votre... attention. Attention, please. Mr. John! Non, tu sais... Hein? Ouais, je suis parti, là. Ouais, mais pour 2 semaines. Si vous voulez me rappeler, faites-le plus tard. Si vous voulez me contacter, contactez-moi par... moi, je suis un Saturne détournant Saturnin. Ma carte du ciel, c'est très, très, très approximatif. Mais c'est ça. Vous êtes dans l'entretien ménager, vous m'écoutez avec vos écouteurs. OK? Écoutez-moi bien. Parce que ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, non pas parce qu'ils sont malades, parce qu'ils font le ménage. Pendant 8 heures, ils sont hospitalisés. Puis là, ils se disent, hein, en l'avant, oh, je suis pas malade. Ça sent le malade. Et ça sent le gars qui... Je suis pas malade. Non, vous êtes pas malade. Vous allez très bien. Il y a des malades parmi vous, mais vous ne l'êtes pas. C'est simple, la vie, là. Quand vous allez sortir, vous allez resplendir. Là, maintenant, vous êtes avec des gens souffrants. Il faut les comprendre, et ça, c'est très sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que la souffrance humaine est très singulière. Donc, tout le monde a sa petite vie, ses petits problèmes, puis surtout quand vous êtes dans des ailes un peu plus sérieux, ben il faut prendre ça comme il se doit, et non pas avec des pincettes. Votre métier, c'est de laver des planchers, puis de faire le boulot que l'on vous donne, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu de travail humain, là. Si le monsieur est couché à terre, là, avec son sérum, vous dites... Sérum? Vous êtes tombé à terre, vous, monsieur Grenier? Vous savez même pas que c'est pas monsieur Grenier, mais... Il est là, vous le levez, puis vous dites, monsieur, ça va mieux bien aller, là. Je vous conseille le 89.1 CKRL, la radio des découvertes. La radio pour vous ouvrir aux horizons resplendissants qui vous restent à vivre, là. On sait jamais. Quand mon père était mourant, il a eu la leucémie, le cancer du sang, et pendant jusqu'à la dernière seconde, je croyais qu'il pouvait vivre longtemps, moi. Même si les médecins disaient, ah, les plaquettes, ils parlent des plaquettes. Les plaquettes, oh, ils diminuent. Bon, mon père est là, il est vivant. Quand il y a de l'espoir, il y a toujours une source de vivacité, une source qui peut nous amener dans une... hein? Quoi? Une surenchère de vie. C'est pas pour rien là, qu'il y a des émissions, là. Ah! Il a vaincu son cancer. Il était mourant, mais non, il s'est remis à vivre. Mais en même temps, tu peux pas donner aux gens... la force d'aller plus loin lorsqu'eux-mêmes ont déjà fait un arrêt sur leur existence. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, hey, on est gay, hein, c'est plaisant ce soir, là. On a du plaisir. Non, mais on parle de choses qui pourraient nous arriver à nous-mêmes. Surtout, ne pas s'apitoyer sur son sort. Ne pas s'apitoyer sur son sort. C'est très intéressant et très important. Monsieur le Président, Monsieur les pas trop catholiques, Mesdames les voluptés et vos chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bien, l'Errance Rénaldienne complice de vos délires auditifs mais aussi visuels. Hey, c'est vrai, il y a juste une chanson là-dessus? Ben oui! Oh, je suis très heureux d'être conscient de mon inconscience, Madame la psychologue. Je continuerai avec le deuxième album, deuxième disque. Qu'est-ce que ça va dire, là? Ah, ça dit que c'est très beau. Les enfants vont bien. La journée s'est passée. Les lunettes fumées sont enlevées. Il pleure. Il fait des petits caca, des petits pipis. Ah, c'est beau. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Et comme le mentionnait mon ami Jim Morrison hier, parce que je l'ai rencontré, espérance serait la tienne. J'étais devant mon verre. Puis, en arrière de mon verre, il y avait Jim Morrison qui me parlait. Il m'a fait un petit spectacle de 15 minutes, là, avec la chanson « The End ». Je vous la chanterai pas parce qu'il veut pas que les droits d'auteur se rendent jusqu'ici. Il m'a dit « Errance rénaldienne », ce que je murmure parce que les fantômes ont des draps qui ont des oreilles. Ben non, non. Oui, les fantômes, là, oui, ont des draps. Oui, des draps qui, eux, portent des oreilles. Des draps avec des oreilles. Aux soins intensifs, oui, qui sont très intensifs là-dessus, là, tous les draps qui ont des oreilles, ils arrachent. Et c'est vrai, ça, je les ai vus hier. Ils ont enlevé 18 000 paires d'oreilles. Ils les vendent sur eBay, là, à des prix exorbitants. Hey, les oreilles! Oh non, il ne dira pas. Non, je ne dirai pas. Les oreilles de bon. Hein? Bon, ils les ont vendues combien? Comme le mentionnait Jim Morrison. Non, c'est de la, ça, c'est de la censure. Un zeste de censure. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Donc, on y va avec Reynald. Ouais, okay. Aujourd'hui, le vendredi 14 mars 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste humaniste et engagé Gueule de bois. Mélangeant les genres, les humeurs et les sons, mélangeant l'accordéon, le tuba, la trompette et la guitare électrique, alliant l'émotion de la chanson et l'énergie du rock, existe dans la musique Gueule de bois. Il travaille autour de l'univers musical. Le résultat est une espèce de chanson électronique, poétique et tordue où se télescope de multiples couleurs sonores et influences. Pourquoi t'as fait une liaison? Parce que ma lunette avait comme une courbe à l'intérieur de la lentille. Mais si je la relis, là, pas ma lentille, mais ce que je viens de... Délire, oui. Tu as lu? Oui, et j'ai délu. Délu dans délire. Oui. Couleur sonore et influence. Hein? Ou ce télescope? Multiples couleurs sonores et influence. Ah oui, des influences musicales, oui. Donc, en juillet 2013, excusez-moi, mon cerveau vient de comprendre. Hein, on fait de la radio? Ben oui, voyons donc, mon Tigou. En juillet, le Tigou, c'est qui? C'est le Tigou qui enchante Madame la chanteresse. Ah, mon Dieu, on l'aime, celle-là. Elle est au septième ciel. Ben non, moi, je la vois au sixième. L'arc-en-ciel a combien d'étages, Madame Tremblay? Six. Ah, mon Dieu. Les couleurs? Tantôt, tout à l'heure, oui. En juillet 2013, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer ce sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Il faut s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter. Ils étaient gentils, les Américains. Ils étaient gentils et ils étaient pleins de bonnes intentions, de chewing-gum. Satango, satang, go home. Ils avaient sur eux des photos de leur mère, qui avait l'air si douce dans sa robe à fleurs, et sourire vainqueur comme en plein hiver. Arbore les marchands de radiateurs. Ils étaient gentils, les Américains. Ils étaient gentils, ils nous aimaient bien. Comment être heureux? restait un peu. Nous envoyait pas les plus obèses de bons zigs qui t'auraient donné la lune. Pour un peu que ta boule le pèse, sans rancune. Tu connais Brad? Oui, Brad Scott. Tu connais Brad? Ben, c'est par son intermédiaire. Je vais te raconter un peu l'histoire. Et on a joué, on a tourné pendant 2 ans un spectacle Gainsbourg, oui. Qu'il a traduit en anglais, le Gainsbourg Experience. Oui. Et le moindre truc, les ayants droit Gainsbourg ont un droit de regard, ils ont une entreprise, c'est pas eux qui gèrent, mais il y a une boîte qui gère tout ce qui est image, tout ce qui est droit. Qui dit oui, vous pouvez le faire, non, vous pouvez pas le faire. Ils ont un droit de regard sur tout. Et c'est quoi la famille Gainsbourg? Et c'est la famille Gainsbourg qui ont monté une boîte qui gère leur image, comme ça eux ils sont pas embêtés. Mais en même temps, lorsqu'ils refusent, c'est pas vraiment Tim Burton qui refuse, mais c'est la maison. Donc, ouais, il y a la boîte d'édition, c'est tu vois. Ouais, c'est ça. Donc. Ça, c'est au cas, c'est celui-là, Flanche, j'en ai un autre. T'en as un autre d'or. Oh, ouais, ouais. Mon insécurité, hein. Ouais. Es-tu prêt? Je suis prêt. Action? Action, je pensais que c'était parti. Oh oui, ben ça c'est parti, mais là maintenant il est parti. Alors, c'est gueule de bois. Gueule de bois, quand on a un accent pointu français. Gueule de bois. Et pourquoi ce surnom-là? C'est un... Gulle, c'est mon... Enfin, mon vrai prénom, c'est Hugues. Et c'est Hugues. Okay, donc, c'est un peu les mêmes lettres. Et en fait, c'est une histoire très précise. Quand j'étais à l'école, que je jouais beaucoup au flipper, au lycée, tu vois, c'était le début des flippers électroniques où tu pouvais chasser le high score. Tu vois. Et on se me tirait à la bourre avec un mec qui s'appelait Hugues pour marquer les 3 lettres du high score. Et lui, il avait déjà pris HUG. Et puis un jour, il a dit comme ça, bah écoute, tiens, t'as qu'à mettre Gulle. Je sais pas d'où ça. Et c'est resté. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les 8 et... Oh, absolument pas, non. Après, c'est un jeu de mots malin, parce que quand on a des listes, on est très malin. Oui. Et voilà. Et puis j'ai voulu garder, j'ai toujours... Il y a des potes qui m'ont dit il faut changer de nom. J'ai toujours voulu garder ce nom-là pour tous les gens qui sont passés dans l'aventure aussi. Tu vois, voilà. C'est comme que ça. Si on se rencontre aujourd'hui, en 2013, c'est grâce à quelqu'un. À Brad, je présume. Bradska, ouais. Qui m'ont remis ton album, qui est ton 5e album. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Bah, j'ai fait des choses. Avant, tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis du nord de la France. Okay. Mais je suis issu d'une famille du nord de la France, pêcheur, à Boulogne-sur-Mer, ch'ti. Quoi. Okay. Après, j'ai grandi en Normandie, okay. À Dieppe, au bord de la mer. Okay. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire de plus en plus de musique, à écrire de plus en plus de chansons parce que j'aimais ça. Okay. Et puis voilà, je fais ça tout seul, comme ça je suis pas emmerdé. Alors, et donc c'est mon rythme. C'est de l'autopromotion complètement. Okay. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied au niveau production, des choses qui m'apportaient autant que ce que ça pouvait me retirer. Et surtout que tu ne veux pas te censurer. Tu veux être... Voilà. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça, tu peux pas. Voilà. Et puis moi, j'ai une démarche. Le fait d'être musicien, ça a été complètement improbable. Tu vois, j'ai commencé super tard. Je suis devenu professionnel à 30 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, je travaillais dans le social. Tu vois, j'étais formateur pour public en difficulté, pour français, langue étrangère, pour encore, à l'époque où il y avait encore des réfugiés politiques en France. Dans la rue, c'est ça? Dans la rue, dans des institutions, oui, c'est ça. Voilà. Les drogués, les... Ouais, plutôt l'insertion, ce qu'ils appelaient l'insertion professionnelle, okay. À l'époque où ils pensaient que l'insertion passait par l'emploi, ils pensent toujours. Mais, Tu vois, c'est, ils font fausse route, ils font fausse route, mais ils pensent toujours. Voilà. C'est après, c'est bon pour les chiffres. Voilà. Et puis petit à petit, donc moi, à partir du moment où j'ai réussi à faire que ça, à payer mon loyer, nourrir mes gosses, je me suis dit, c'est très bien, tu vois, voilà pourquoi aller chercher midi à 14h. Je suis autonome, je fais ce que voilà, je puis j'emmerde tout le monde. Et c'est depuis ce temps-là que tu as décidé, depuis l'âge de 30 ans. Oui, et puis je te dis, les propositions qui m'ont été soumises n'étaient pas intéressantes, il y avait plein de contingences qui. Je pense qu'un artiste, il a que sa sincérité à vendre. Le reste, c'est de la vente de yaourt. Effectivement. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dans les premiers albums? Qu'est-ce que tu voulais proposer aux auditeurs? Je sais pas, j'ai jamais eu de démarche définie. Hormis le plaisir de faire et puis. Et de partager, après essayer d'être le plus libre possible dans le ton, dans l'envie, dans l'amour des mots. C'est les mots qui ont lancé le truc, hein. Je suis venu par les mots d'abord, et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Comme j'étais trop feignant pour écrire un roman, c'est très fatigant. De Kevlar inifugé à rendre love amour amer, jaillissait-elle des fusées? Des étincelles, des projectiles, toutes sortes de mixtions, des cohortes d'ustensiles, elle était en mission. Sur la terre, planète des fleurs, elle venait de je ne sais plus. Elle faisait souffler ses moteurs, elle faisait charger ses accus. Ses accus. Elle avait pour tout matricule un petit numéro sidéral qui clignote quand on le manipule, elle était très sentimentale. Dans sa soucoupe au minibar, j'entreprenais de main de maître, soupape, capteurs, anémomètres, faisant gonfler les minibars. Elle était pas vraiment sauvage, j'étais vraiment aux anges. Et pour fêter cette nuit d'orage, j'ai décidé de l'appeler Solange. Ma Marcienne. plus juste que toujours de proper gol et de liquide. Vivre ainsi notre étrange amour entre deux mondes insipides. Mais un jour dans un corps à corps, j'appuyais sur l'éjecte, elle disparut aussi sec. Et depuis je l'attends encore sur la terre, planète des pommes, où personne ne veut me croire. Je le jure de tous mes atomes, je le jure sur tous ces potards. Ma martienne, ma martienne. Thank you. vois des larmes dans tes yeux. Ma petite sœur n'est donc pas guérie. Tu me disais qu'elle allait mieux. À la maison, toujours on pleure, c'est à cause d'elle. Et pourtant, je t'entendais dire tout à l'heure qu'elle était bien heureuse maintenant. Je ne comprends pas ces propos étranges. Pourtant j'entends bien, tu disais tantôt qu'on ne la verrait plus, et parmi les anges, elle était partie dans le ciel là-haut. Ma chère enfant, prends ta poupée, allons au bois, tu reverras tes camarades occupés de chiffons et de falbalas. Et pendant que l'enfant s'amuse, riant, chantant tout à ses jeux, de sa gaieté cherchant l'excuse, la maman dit, c'est l'âge heureux. Âge insouciant, ignorant la vie, âge où nous voyons le ciel toujours beau. Pour une poupée, la mignonne oublie sa chère petite sœur qui est dans le ciel là-haut. Mais tout à coup, l'on crie, on bouge, et toute la bande joyeuse s'en va vers le marchand de petits ballons rouges. J'en veux un, maman, celui-là. Allons, tiens, prends, petite folle, et tiens-le bien, merci maman. Tu l'as lâché, le ballon s'envole, je devrais te gronder sévèrement. Oh non, ne gronde pas, petite mère jolie, je l'ai fait exprès, j'ai choisi le plus beau. Regarde, il s'en va vers ma sœur chérie, ma chère petite sœur, qui est dans le ciel là-haut. Rayon petit électroménager des grands magasins, langue de pute, j'escamote des cocottes au mépris du danger bien plus qu'un escroc. Je suis un esthète, convulsif peut-être, mais passionné, un pilleur d'épave, un chasseur de têtes. Toutes les cocottes, il me faut dérober. Il n'y a pas d'alternative pour les voleurs de cocottes minutes. Fait tous et les cafetières, les robots maris me laissent froid, les fers à vapeur, ma foi m'indiffère, les cocottes sont mes uniques proies. J'ai des florettes à moult stratagèmes, des trucs sans sas, règles de l'art qui varient suivant mon humeur suprême, et jamais ne laisse place au hasard. Il n'y a pas de deuxième chance pour les voleurs de cocottes minutes. Faites monter la soupape, placez le joint latex, briquez le bouchon rotatif et chérissez. Pour les voleurs de cocottes minutes. coquette minute. Je suis un voleur de cocotte minute au rayon petit électroménager des grands magasins. Langue de pute, j'escamote les cocottes, c'est le prix du danger. Je me suis dit, une chanson, c'est bien. Et puis, c'est court. C'est ça, court. Ça raconte une histoire. C'est musical aussi. Et ça touche les gens. Et ça touche les gens. Et c'est direct. Et c'est direct. T'as aussi que t'as ce rapport, cette confrontation directe en concert ou aussi dans la rue. Je pense que la musique, elle est très bien dans la rue. J'ai fait longtemps du théâtre de rue, du spectacle de rue. Et ça, c'est. Voilà, ce rapport-là, il est, tu ne l'as pas forcément dans le roman, tu ne l'as pas forcément, et puis à part c'est des chants, c'est spontané. Ouais, et puis c'est aussi des schémas, et je crois que j'ai beaucoup de mal à écrire autre chose qu'une chanson. Mm-hmm. Ouais. Écris-tu pour d'autres ou si tu te concentres sur ta... Je me concentre principalement pour moi. De temps en temps, il y a des gens qui jettent un coup d'œil sur des trucs, et disent « Ah bah tiens, je peux prendre ça », mais c'est assez peu fréquent, vu que j'utilise beaucoup ce que j'écris, quoi, tu vois. Voilà, je l'utilise à peu près à 80%. Puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit ouais, tiens, ça me plaît. Alors, déjà sur ton répertoire. Des chansons qui existent déjà, des où il n'y a que des textes, j'avais jamais fait de musique dessus. Mais tu connais quand même un peu. Oui, c'est des gens que je connais un peu, qui peuvent mettre le. Oui, notamment ma femme, par exemple, qui est chanteuse aussi et accordéoniste. Comment elle s'appelle? Marita, je t'ai amené un disque. Ah, ok, parfait. Hein. L'année prochaine, je la rencontrerai. Bah, ouais, bien sûr. Boucherie, c'est ça. Et. Elle met un peu le nez, elle voit mes brouillons qui traînent, donc tu vois. Donc, ah, ok, on voit ça. Bah non, ça c'est un vieux truc. Ah bah voilà, mais c'est. Je veux, bah, ouais, c'est fou que le monde est ici, hein. Ouais. Je veux dire, tout le monde connaît tout le monde à travers un musicien. Ah, tu connais ce gars-là. Ouais, ouais, plus ou moins, tu connais jamais tout le monde. Mais, okay. Mais sans le savoir, fait, tu balances des liens, quoi. Hein. Voilà, dès que tu fais quelque chose de public à partager, bah tu balances des liens partout et c'est ça qui est vachement intéressant. Et toi, parce que je t'ai diffusé, quand Brad m'a donné ton album, je l'ai diffusé, je le diffuse encore assez fréquemment parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est la provocation. Tu utilises beaucoup de provocation. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. C'est un langage quand même assez cru. Et tu ne te caches pas derrière une image pour revendiquer des idées de gauche, même si tu ne veux pas peut-être être Ah non, politique. Je ne veux pas être catalogué, mais mon cœur est beaucoup plus à gauche, mais ouais. Même beaucoup autre... La liberté, le choix ouais, de ce que bien tu sûr, veux tu vois, sans... Tu vois, quand on compare l'extrême droite à l'extrême gauche, ça me fait toujours doucement marrer. Ouais, mais on se rejoint, hein, les deux bah, extrêmes. Ouais, ouais, en sachant que, enfin, je ne sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des valeurs d'extrême gauche qui sont nettement moins nauséabondes que des valeurs d'extrême droite. Mm. Je trouve ça un peu... Il y a toujours la liberté à gauche. Voilà, donc, voilà, voilà. À droite, c'est toujours l'enfermement. C'est l'enfermement. Et c'est les mots qui t'amènent les idées ou les idées qui t'amènent les mots? Ça dépend, il n'y a pas de règle. C'est un espèce de truc très... Ça peut être un mot. Ça peut être un mot, un groupe de mots, une tournure, une locution. Qui vient très vite. Et après, j'essaie de voir qu'est-ce que ça soulève comme idée, comme problématique ou comme image et tout ça. Et après, essayer de voir par quel biais, quel axe je l'attaque. Pas essayer de le prendre en frontal forcément, trouver l'axe pour aborder un sujet qui est souvent un truc très intime, et après on brode dessus, on fantasme, on rajoute. Est-ce que ça arrive souvent que tu empruntes le même thème, mais autrement? Bien sûr. Ok, parce que ta chanson, c'est t'en aller dans une autre direction, mais tu voudrais aussi la reprendre bien sûr. Pour... Ouais. Okay. Tu vois, par exemple, si tu fais, mais je vais te filer, j'ai quelques disques que je peux te filer. Il y en a qui sont épuisés, okay. très épuisés. Donc, non disponibles. Je ne peux pas te les filer, mais okay. Les autres, je peux te les filer. Mais il y a des fois, tu as toujours aussi l'impression d'écrire tout le temps la même chanson. Oui. Je sais que dans tous les disques, il y a des chansons sur la flemme, sur la paresse, sur le faraniente, et tu peux l'attaquer de tas de manières différentes. Quoi, aussi, tu vois. Aspect, voilà. Voilà. Et toi, quand tu montes sur scène en ayant 5 albums, est-ce que tu négliges certaines pièces de ton début ou tu reviens tout le temps avec des incontournables que les gens attendent de ton premier, deuxième, troisième album? Non, pas forcément. Il y a toujours du retravail sur des anciennes chansons qu'on réarrange avec l'équipe du moment, l'envie, ce que ça représente. Parce que des fois, il y a des équipes complètement différentes. Ça va du trio de rock à des formations un peu plus fanfare avec des cuivres et des accordéons. Donc, il y a des chansons. Mais comme il n'y a pas de tube, de choses, je ne pense pas qu'il y ait cette demande-là aussi. Et puis, donc je reprends, mais c'est pas systématiquement. Je me dis, tiens, c'est avec cette formation-là, peut-être ça serait intéressant de ressortir ça et de lui amener une autre vie, une autre chose. Alors, ils renaissent, les mots restent les mêmes, la musique bien sûr. Va peut-être représenter les paroles autrement. Donc, les gens vont peut-être s'attarder à ce que tu viens de faire là, tandis que sur l'album, c'était peut-être plus effacé, moins... Sûr. Ouais, c'est plus réfléchi aussi sur l'album, c'est plus travaillé, tu vois, c'est... Il y a moins de fulgurance, de momentané, de, tu vois, quoi qu'il arrive, même si tu fais des albums dans des conditions très live, des choses que tu as préparées, que tu as... l'horizon pour ne plus jamais revenir. Et comme tu as toujours raison de te barrer, de dégarpir, ça soulève un peu de poussière, ça picote un petit peu là. On ne sait ce que si l'on se sert, on ne sert que si l'on s'en va. Je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, tu m'en iras. Sur le frigo, au mot d'amour, tu m'as laissé ces quelques verres. Ordure salaud, pourri, vautour, c'est sûr, c'est beau, mais t'exagères. C'est pour toujours, comme d'habitude, dis je me fige un peu sur place. Je vais noyer ma solitude à la première boutange qui passe. Je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, tu m'en iras. Définitive à l'infini du coin de la rue. Ordure salope, pourri morue, ma douce fugitive. Si t'étais plus souvent d'accord, j'aurais moins mauvais caractère. Et moins souvent la tête au bord du cratère. Je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, je t'en irai, tu m'en iras. Je t'en irai, tu m'en iras. Je t'en irai, tu m'en iras, je t'en irai, tu m'en iras, je t'en irai, tu m'en iras, je t'en irai, tu m'en iras, je t'en irai, tu m'en iras, je t'en irai, tu m'en iras. Tu m'en iras, j'aime quand tu pars à l'horizon, te déguiser en souvenir, et comme tu as toujours raison de revenir. Mais en faisant, là t'es rendu à 5 albums quand même, c'est important. Est-ce que les chansons que tu proposes dans les disques qui suivent ont été vérifiées sur scène avant? Alors, le dernier disque que tu as, c'est la première fois que les chansons n'avaient jamais vécu en live, en public avant. Ah, c'est quand même assez audacieux, parce que tu sais pas si les gens vont recevoir la chanson comme elle se doit. Tandis que sur scène, tu dis, oh, ben celle-là, je croyais qu'elle pouvait coller à un album, on va l'enlever parce qu'il n'y a pas de réaction. Moi, dans tous les albums, à part le dernier, toutes les chansons étaient jouées sur scène avant d'être enregistrées. Okay. Alors, la dernière fois, elles ont une vie déjà. Donc, et je me disais, je défendais ça. Et en fait, le fait de ne pas l'avoir fait sur cet album-là, c'est pas du tout gênant. J'aimerais peut-être même, sur le prochain disque, sur un des prochains, faire encore un travail encore plus rapide avec des bons musiciens, mais sans répétition. Tu vois, où tu as le studio à disposition et la première confrontation entre le gang et la chanson, là, on prend. On enregistre aussi. J'aimerais bien pouvoir travailler comme ça la prochaine fois. Une des prochaines fois. Oui, oui, c'est parce ça. Est-ce que le public est attentif et réceptif? Est-ce que tu dois avoir des retours d'un public après autant d'albums? C'est rigolo parce qu'il y a des... Il y a des retours complètement différents. Il n'y a jamais une chanson, enfin j'ai pas souvenir d'une chanson qui soit ressortie dans tous les albums en disant « Ah moi j'adore cette chanson-là » et qu'il y ait une majorité de personnes qui soient d'accord. Il y a toujours des gens, et des fois c'est même surprenant, qui vont craquer sans... Ben ça, celle-ci, ça me parle vraiment parce que ça me parle de ça. Et en fait, la personne a reçu quelque chose qui n'est pas forcément précisément ce que je voulais dire. Tu vois, elle a pris une... Ça peut sortir du contexte aussi. Alors ça surprend. Ça surprend. Et ça surprend et c'est vachement rigolo parce que ça veut dire que déjà ça t'appartient plus. Non. Quand tu lances une chanson, c'est fini et ça moi je le défends complètement. Tu vois. Et oui, effectivement, et quand tu discutes avec la personne, peut-être quelque part j'avais voulu dire ça, tu vois, mais puis tu vois, on est. Je pèse pas non plus tous mes mots, tous les sens, tous les trucs. Hein. Des fois, il y a juste le plaisir physique. C'est comme un bon vin. Tout à fait. Il y a un plaisir physique dans l'addiction. Oh oui. Est-ce que le public, des fois, te surprend à travers ce que tu as déjà écrit en disant « Ah oui, regarde, je vois que, ah oui, que tu as voulu lancer ça. » Non. Mais oui, priori, bien sûr, ça arrive, bien sûr. Ouais, ça arrive. Et ça te surprend? Et ça me surprend, et puis après, tu analyses le truc, puisque le truc ne t'appartient plus vraiment, même si tu as été géniteur quelque part. Tu regardes, tu dis « Bah ouais, effectivement. » Ou alors tu dis « Bah non, ou alors... » Donc tu dis « Bah je me suis gouré. J'ai pas fait passer vraiment. » Parce que quand c'est une nuance à ton propos, c'est une nuance, mais si c'est le contraire, tu vois, tu te dis merde, là j'ai de si bourré. Mais enfin, c'est jamais arrivé à ce point-là. Je crois. Ok. Mais alors, ça prouve que très souvent, lorsqu'on écrit, l'inconscient est beaucoup plus conscient, donc c'est le public qui te le révèle souvent. Oui, oui, oui, oui. Puis l'écriture, c'est tu commences avec le cœur et puis tu finis avec la tête. Hein, Ou des fois, c'est cœur-cœur. Cœur-cœur, et... ouais, ouais. Enfin, surtout, mais il ne faut surtout pas mettre la tête au début, je pense. Est-ce qu'on peut dire que tu as un son? Un son? Oui. Non, je pense pas. Peut-être je dois avoir une manière de chanter, une manière de lire, un phrasé. Un son, le son, il dépend. Bon, après, j'ai ma voix et ma manière de chanter. Ou pareil, je te dis, j'ai pris un cours de musique et un cours de chant dans ma vie. J'ai pris un cours de musique dans ma vie et j'ai voulu me barrer sans payer parce que c'était un cours très de cher. Trop. Un cours de trop. Non, c'était un truc hallucinant. Okay. C'était un cours de chant. Et j'avais eu 25 ans, un truc comme ça. Et la nana m'a dit, c'était une choriste parisienne réputée. Ah ouais, ouais, ouais. Alors vraiment, si tu veux chanter, tu vois, tu arrêtes de chanter. Et ça, c'est quand même un concept. C'est quand même un concept. C'est audacieux. Ouais. Et puis, ça fera son franc. Oh, okay. Alors, j'ai dit, bon, attends. Ah oui, puis tu chantes avec des fers à repasser dans les mains. Pour laisser tomber les épaules, pour avoir une attitude, des colonnes d'air. Enfin, tu vois, machin. Faire repasser, déjà, j'en ai pas pour faire mon repassage, donc tu vois. Pas pour repasser, et puis je me suis dit, ben, on a la gueule, 20 minutes à me demander, c'était en franc à l'époque, une somme assez consistante. Quand t'as écrasé un peu. Elle m'a écrasé un peu, puis elle m'a dit, puis surtout aussi, t'arrêtes de boire du café, parce que le café, ça me noircit les dents. Okay. Voilà, tu vois, on était vraiment dans un truc. Oh, oui. Je me suis dit, ben, 150 francs. Quoi. Ah, vous voulez faire un fleur à panier toi-même? Alors je me suis dit, je les ai pas sur moi, je descends, je reviens. Je reviens. Elle me dit, oui, pas de problème, mon ami, elle frappe à la porte, il y a son ami, un grand blague comme ça, il va t'accompagner. Dit, ouais. Ouais. Bon, bah d'accord, j'ai payé mes 150 francs et voilà, j'ai arrêté les cours de musique et j'ai continué à chanter. Jazz un peu. Quand le divin des vavas tout va, divin de diva, c'est tout qui va. Quand le divin des vavas tout va, sur son divan Eva la belle Eva divague, elle broie du vent, elle vide des vagues, elle se dévêt de son contenant. Y'a pas un poil de vent, y'a pas un poil de chat, y'a pas un poil d'envie de dévier sa vie de là. Quand le divin des vavas tout va, divin de diva, c'est tout qui va. Quand le divin de diva des vavas tout va, sur son divan Eva se vautre dans la nébuleuse. Elle dévie, elle creuse sa vie de vie à vive dents. Tout ce que Eva veut, c'est tout ce qu'Eva a. Y'a que ce vieux divan qu'elle appelle de ses voeux. Quand le divin diva va tout va, divin de diva, c'est tout qui va. Quand le divin de diva des va tout va. In the middle of the room, let's have a party.

et que je pense qu'il faut préserver. Au fur et à mesure que tu écris, est-ce que tu sens qu'il y a quand même une idéologie, un message que tu veux passer ou tu n'as pas de message? Non, je n'ai pas de message. Je n'ai pas de message spécifique. Après la bêtise me fait faire des bons en l'air. Le vivre ensemble est quelque chose de très important pour moi et un truc qui peut être très problématique dans nos sociétés. Surtout quand c'est vraiment bourré. Donc il y a ça, toujours ça en filigrane. Je n'arrive pas à être inconscient et me foutre de ce qui se passe autour de moi, de ce que je vois, de ce que j'entends. Alors tu n'as pas un côté Bambi? Bambi. Ouais, Bambi, Walt Disney, Bambi, le petit chevreuil, je sais pas. Ouais, pattes, le l'animal à quatre pattes, là. Non, je pense pas que j'ai un petit côté Bambi. C'est ça, c'est ça. Toi, t'es. Même si je fais pas bien du patin à glace. Ok, non, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est la scène la plus connue. Alors, toi, t'es vraiment conscient de ce qui se passe et tu veux le revendiquer, tu veux le présenter au public. Conscient, j'arrive surtout pas à m'en foutre. Okay. Tu vois, l'empathie, voilà, c'est. Peut-être j'ai un problème d'empathie. Voilà. Ok. J'arrive en pas fait, à être... c'est ton travail à l'objet qui t'a amené à ça. Peut-être aussi. Tu vois, tu te fabriques de toutes sortes de choses. Et C'est ce qui te compose aussi. Oui, c'est bien le sûr, travail bien que tu as fait. Bien sûr, où j'ai rencontré... J'ai trippé pendant 3 ans. J'étais formateur de français langue étrangère. À quel endroit? À Rouen. Et en fait, c'était des stages proposés aux réfugiés politiques à l'époque, dans les années 80, où il y avait encore le statut de réfugié politique. Et donc... Moi, j'ai encadré des stages de femmes avec 10 nationalités différentes, tu vois, qui arrivaient en France et c'était d'une richesse terrible. Tu vois. Alors toi, tu es habitué de t'acclimater à tout avec ce genre d'emploi-là. Quand tu arrives sur scène, tu vois un public où tu n'en vois pas, tu te lances quand même, ça te dérange pas. Moi, qu'il y ait une personne ou... Ou 2000, c'est la même chose. Ouais. Il y en a plus souvent une que 2000. Ouais, non, peut-être pas quand même. Ouais, bien sûr. Est-ce que... Avec les années, parce que tu fais ça depuis quand même plusieurs années. As-tu un public? Oui, je pense. Il y a un public au niveau dans ma Normandie natale, parce que je suis là depuis 25 ans quand même, tu vois, Gueule de Bois, ça donne. Et tu restes pas là? Ah, non, on joue en France, un peu partout, sur un réseau. Il y a un réseau chansons un peu alternatif, avec des lieux qui sont ouverts depuis longtemps, qui perdurent, qui est un réseau très sympa, d'agitateurs, de gens qui. Et c'est ce que tu veux, là. C'est, ouais, moi j'aime c'est bien. De faire partie là, d'une idéologie sans le vouloir. Moi j'aime bien la. Tu vois, pour moi, la musique, le spectacle n'a pas besoin de scènes gigantesques. Forcément, ça se justifie quand il y a 50 000 personnes. Mais autrement, tu vois, t'as pas besoin de sono pour jouer et tu peux jouer comme dans ta chambre pour 10 personnes et c'est génial en acoustique, tu vois. Et la musique vit aussi bien que. Et toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Pas beaucoup de musique. Okay. Il y avait une bande magnétique. Ouais, à la Léo Ferré. Non, mais sur lequel il y avait 4-5 chansons de Léo Ferré. C'était un nom qui avait fait ça. 4-5 chansons de Brassens, 4-5 chansons de Nougaro, 4-5 chansons de Brel. Ah, tu vois, c'était ça. Et ça, j'ai bien bouclé le machin. Elle jouait souvent. Ça tournait en boucle. Quoi. Okay. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à acheter mes propres disques avec mon argent de poche. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes? Là, j'écoute des tas de... J'écoute peu de chansons françaises, parce que... Ah. Peu de chansons françaises. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Qu'est-ce que j'ai écouté en ce moment? J'ai écouté le dernier disque de Sarc Lorette. Ah, c'est excellent, ouais. Tu l'as écouté, son dernier? Oui. Gueuler partout pendant plus tôt, je trouve ce disque splendide. Ouais. Donc, tu vois, je me contredis. Ah oui, il y en a qui n'aiment pas. Non, je me contredis en disant j'écoute peu de chansons françaises parce que c'est vrai. C'est quand même quelqu'un après, j'écoute. Ouais, tout à fait. Manouche. Et son disque, il est vachement beau, il est vachement blues là, son dernier disque. Ouais. Bien produit. J'aime bien. C'est un titre qui ose à chaque album. C'est un vrai. Tu peux facilement tomber dans le confort et ne jamais vouloir aller ailleurs que dans le sentier que tu viens de tisser. Et il est très clair, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, je l'ai rencontré au mois de jouer ensemble à Bourges, là, de janvier, je crois. Il est bientôt 7 heures pétantes, dit le mutant à la mutante, tape un jeton pour le caddie. chérie. Chérie, moi j'ai plus un radis. J'ai pas de jetons, mais j'ai 10 francs. En répond la mutante aux mutants. Faisons si ça les commissions. Je veux pas louper, je veux pas louper. Je veux pas louper mon émission. Toujours moins loin, toujours plus vite. Toujours plus près les limites. Hier tout de suite et c'est maintenant. Le futur est sans précédent. Plus avec 10 francs, c'est embêtant, dit le mutant. Y'a rien d'écrit dans mon Yiking. Y'a plus un cas. Y'a plus un cas sur le parking. Toujours moins loin, toujours plus vite. Toujours plus près les limites. Hier tout de suite, c'est maintenant. Le futur est sans précédent. Tous horaires futurs has-been. Y'a pas de mystère, y'a pas de trésor. C'est pas Homer. C'est pas Homer qui a fait Darwin. Toujours moins loin, toujours plus vite. Toujours plus près les limites. Hier tout de suite et c'est maintenant. Le futur est sans précédent. Il est bientôt 7 heures pétantes, dit le mutant à la mutante. T'as pas les jetons pour le bébé. Couvrez-vous d'amour car il fait froid dehors. Oh! C'est de qui? C'est de qui? Le froid? C'est de la mère! La mère Théo! Oh, c'est de sa faute! Alors, la phrase qui pourra animer l'animateur pendant des heures et des heures, quoique c'est assez étrange, comme ce que je viens de piger là, mimé! Mimé, mimé, mimé, mimé, mimé, mimé! Ouais. À la radio, c'est pas facile là, de faire ça. Le mime Marceau a fait de la radio pendant 25 ans. Les gens l'ont jamais entendu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Les gens applaudissaient parce que c'était devant public. Les gens derrière leur radio. Il me semble que ça fonctionne bien, là. Il me semble que ça monte dans les décibels. Merci, madame. Oh, vous m'avez comme... Oui, je vous ai aidé encore ce soir avec le mime Marceau et les décibels. Quoi que... Mais vous savez que, madame, vous êtes là, vous? Oui, quoique. Elle se prend pour une grenouille. Allô? Êtes-vous sur le nénuphar un peu à garde de la... Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Elle se mêle en conjoncture. Êtes-vous sur le nénuphar un peu à garde? Quoique c'est ça, hein? Oui. Devant la mère de Charles Bonnet. Ah, c'est bien, j'ai le Charbonnet nouveau. Pas Charbonnet nouveau, c'est le Chardonnay. Oh, on le connaît pas ça. Mais mimer dans sa vie, c'est quand même extrêmement intéressant puisque ça peut remplacer des mots. Let me take a ride. So go ahead and go. Oh, image vaut mille mots. Mimons ce mot. Mimons ce mot. Mimons ce mot. On peut le faire ce soir. Là. On peut essayer, tenter de toucher l'inaccessible. Pas l'étoile. Non. Ça, il y en a un qui l'a fait mieux que moi. Mais aller plus loin. Toujours plus loin. Mimer. Mimi, on dirait que ça m'anime pas. Là. On va prendre un autre mot. Hein? Un autre mot dans le petit sac, puis on va voir si ça va aller plus... Oh, c'est une phrase. Raccorde ta vie. Ça, c'est important. Raccorder sa vie. Ici, là, j'ai un mixeur rempli de boutons, rempli de pitounes, rempli de fils. Là, il faut raccorder tout ça pour être entendu. C'est comme le cœur, là. Il y a des branchements. Il y a des filaments. Est-ce qu'ils sont en USB ou hein, madame? Ou comment t'appelles ça? Non, en RCA. Ah non, nous, c'est fibre optique. Hey, l'amour en fibre optique. Fait que tous les courants passent. Ah, moi, là, regarde, les courants négatifs, OK, mais beaucoup plus positifs. Ah, parce que j'ai entrecoupé le négatif, moi, là, pour qu'à un moment donné, ça se modifie en positivisme. Oh, vous êtes une vraie. Je suis une vraie. Une vraie quoi? On m'a dit, ah ouais, la folle! On me prend pour une folle. Pourquoi? Ben parce que j'ai une autre vision que la majorité. Ah ben c'est bien, madame, d'être vue autrement. Ben oui. Mais pas selon le public en général. Ben laissez faire le public en général, madame. Restez vous-même. Je suis moi-même depuis 49 ans. Parce qu'il y a 17 ans avant, je suivais mon prochain. Et ben, il allait très lentement. Ah! Oh. Faut pas se fier au prochain parce que on est souvent pris dans des dans du trafic intellectuel. Oh, ça dégage pas vite. Là, il y a plein de carrefours, là. La majorité s'en va dans une direction. Toi, tu prends l'autre. Ça va aller beaucoup plus vite. Pour arriver, bien sûr, à un autre résultat. Bon, et qui est ce résultat? Ben, qui est, ça dépend. Quoi, là? Il faut pas généraliser comme fait la majorité. Ah, ça, c'est vrai. Donc, vous voulez dire ici ce soir, je veux rien dire, moi. Je veux rien dire, mais raconte ta vie. Le seul mot, c'est la phrase. C'est vrai. Vous avez raison. Ben oui, mais arrête de dire c'est vrai, j'ai raison. Raconte ta vie à quoi? À l'harmonie. Oh, l'harmonie. Ça, c'est comme le solfège du début de l'émission. Avez-vous suivi le début? J'ai eu déjà de la difficulté à syntoniser votre voix. Oui, elle est dans les aigus. Ah, ça a cassé trois verres, moi, là. Trois verres d'eau. Pas de glace, heureusement, sinon j'aurais trippé. Moi, je serais monté sur ces KRL, oui, sur l'édifice G, parce que vous êtes là, vous. Ah, moi, je suis en direct de l'édifice, moi. Ah, oh, hey, j'ai monté, là, sur l'antenne fantastique. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Puis là, ils m'ont cloué, là, pour que je fasse l'émission pendant 12 heures. Et puis, ah, je vais tenir, mais c'est un peu venteux, là. Le vent vient du nord, puis la galoche du sud. La galoche, là, ils m'ont placé, bien sûr, un seau. Pour tout accueillir, la froidure qui descendra de mon museau. Votre museau, mon nez. Nez. Je suis né pour un petit pain. OK. Alors, je mange les croutons, comme je l'ai dit tout à l'heure. OK. Alors, arrêtez de dire OK, puis vous me déconcentrez. Je vous déconcentre. Ben, dans ma logique, quoique je suis passablement illogique depuis le début de ma carrière. Je vais aller loin comme ça. Je vais aller très loin, très loin. Oui, Madame Fifi, voulez-vous danser avec moi? Merci. Hey Joe, il y a les Indiens dans la plaine. Ah oui, Bill, faut les attaquer. Mais non, ils sont beaucoup trop nombreux. Sur la lune, dans ma pipe à la cave, sous la mer, jusque dans l'atmosphère. Près des thunes, derrière des types, dans les raves, un peu sur les bords et beaucoup en travers. Dans la rue, à la gare, dans le poste, dans de tristes camping-cars. Dans ton cul, à la barre, sur un toast, sur les murs, sous tous les placards. Y'a les keufs partout, y'a les keufs. Y'a les keufs partout, y'a les keufs partout. Y'a dans des bus, sous des casques en civil, à la bus, à la corde, dans les codes et dans les prospectus. Y'a les keufs partout, y'a les keufs partout. Y'a les keufs partout, y'a les keufs partout. Partout y'a les keufs, y'a les keufs partout, y'a les keufs partout. Y'a les keufs partout, y'a les keufs partout. Partout y'a les keufs. I never want to run. Down, two, four. dernières années. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.